Prêt, trouver le mot. Oublie l'autre. Il est 7h30, la revue de presse, Michel Barbu. Ce sont les jeunes qui ont commencé à brûler les trains, témoigne un conducteur dans Le Parisien. Aujourd'hui, c'est donc la bousculade qui a fait 4 morts à Gare du Nord hier après-midi qui est à la une de vos quotidiens. La RATP et la SNCF avaient bloqué les jeunes venus des banlieues à l'intérieur de la gare, renchérit un usager dans Ouest-France. Le Parisien, de son côté, consacre une page entière aux habitants de la banlieue Nord obligés de camper devant cette gare. Et oui, puisque depuis hier, 15h30, la SNCF et la RATP ont repris la grève et les usagers dorment dans des tentes de fortune, constate la journaliste Pascale Dorigny. Et puis l'Humanité consacre un reportage aux difficultés de circuler dans le nord-est de la capitale. L'armée est à chaque carrefour, on se croirait en Palestine, ils contrôlent tout le monde, il faut faire la queue pendant des heures, se plaint Simone, caissière au Monoprix de l'avenue Secrétan, près du métro Jaurès. Pierre-Yves Dupuis, commissaire de police dans le 18e, est en 4e de couverture de Libération. Nous avons essayé d'alarmer le ministère lorsque nous avons senti que quelque chose de grave se préparait dans le quartier, mais il était déjà trop tard, nous affirme le policier. Pierre-Yves Dupuis, qui est d'ailleurs également interviewé dans Le Parisien, puisqu'il est l'une des victimes de l'attentat au colis piégé de la journée d'hier. Je l'ai échappé belle, j'ai eu de la chance, dit-il. En effet, puisque comme nous l'explique Marie Pendrieux, il n'a eu que 2 doigts arrachés, et que l'un de ses collègues est resté dans le coma et se trouve actuellement au service des grands brûlés de l'hôpital Tenon. Ces malheureux incidents qui ont émaillé la journée d'hier dans le nord-est de la capitale font dire à Serge Juilly qu'on est en droit de se demander ce qu'attend le gouvernement pour réagir à ces actes barbares. Il admet que l'armée a mis en place des postes de surveillance tout autour de Barbès et des cités à risque, mais il constate que cela n'empêche pas les voitures de continuer à être brûlées. Dans le Figaro, Jean Dormais Font reste optimiste puisqu'il écrit qu'il faut croire au bon sens populaire français. L'ordre sera rétabli, selon lui, dès que les quelques dégénérés qui saccagent notre capitale seront mis à Neuilly.